Praise the Lord, mighty prophet of the Lord. Loué soit le Seigneur, puissant prophète du Seigneur. Amen, Pastor Joanne. Of the Lord has now decided. Amen, Pasteur Joanne. Le Seigneur a maintenant décidé to release his tremendous glory towards the meeting in Nakuru. De libérer sa gloire énorme vers le rassemblement de Nakuru. Right now, as I speak, the Lord has commanded his glory. Juste maintenant, comme je parle, le Seigneur a commandé sa gloire towards the meeting that is going to take place in the next 24 hours in Nakuru. Vers le rassemblement qui va avoir lieu dans les prochaines 24 heures à Nakuru. And the Lord has now decreed that the glory will move. Comme le Seigneur a maintenant décrété que la gloire se déplacera. As his servant, the mighty prophet of Jehovah, will leave from Nairobi towards Nakuru through Naivasha and all these other towns. Comme son serviteur, le puissant prophète de Jéhovah quittera Nairobi pour Nakuru en passant par Naivasha et toutes les autres villes. That the glory of the Lord will move ahead of the man of God and bring a lot of healing. La gloire du Seigneur se déplacera devant l'homme de Dieu et apportera beaucoup de guérison. Even on the way in that direction. Sur le chemin, dans cette direction. Et le Seigneur a aussi décidé que lorsqu'il revient à la fin du rassemblement, la gloire se déplacera de ce côté. Même sur le bord de la route, les gens seront guéris. This is a really tremendous moment in the history of the church. C'est un moment extraordinaire dans l'histoire de l'Église. The Lord has now decreed that as he releases from Nairobi, towards this direction, from Nairobi. Le Seigneur a décrété maintenant que, comme il libère de Nairobi vers cette direction de Nairobi, he releases his servant towards the meeting. Il libère son serviteur vers le rassemblement. In Nakuru, the glory will move in that direction. À Nakuru, le Seigneur se déplacera dans cette direction. Almost up to 20 kilometers ahead, 40. Même 20 kilomètres devant, 40. And bring a lot of healing on people. Et amènera beaucoup de guérison sur les gens. And the Lord has also decreed that people will now be healed. Et le Seigneur a aussi décrété que les gens seront maintenant guéris. As they are coming to the meeting of the Lord. Alors qu'ils viennent au rassemblement du Seigneur. And as they enter the streets of Nakuru, there will be a big healing that will touch many people, many cripples. Et comme ils entrent dans les rues de Nakuru, il y aura une grande guérison qui va toucher beaucoup de gens. Might not even enter, might not reach the meeting. Qui ne sont même pas encore entrés, qui n'ont pas encore atteint le rassemblement. Before they walk, they might simply enter the streets of Nakuru. Avant qu'ils marchent, ils peuvent simplement entrer dans les rues de Nakuru. And their feet strengthen and begin to walk. Et leurs pieds se fortifient et commencent à marcher. Many tumors. This is going to be the most historic visitation since the church was created. Beaucoup de tumeurs. Ça va être la visitation la plus historique depuis que l'Église a été créée. And again, we are living in a very tremendous time. Et encore, nous vivons en un temps tellement extraordinaire. We live in a fearful time where now the Lord has decided to bring his unspeakable glory, glory not seen, not heard by man. Nous vivons un temps effrayant où le Seigneur a décidé d'amener sa gloire inexprimable, une gloire qui n'a pas été vue par les hommes. And at this hour, as he releases his prophet towards Nakuru. Et en cette heure, comme il libère son prophète vers Nakuru, the Lord has said that as the mighty prophet begins the journey, le Seigneur a dit que comme son puissant prophète commence son parcours, the glory will go ahead of him, heal a lot of people on the road. La gloire ira de l'avant et guérira beaucoup de gens sur la route. You will meet cripples that have walked. Vous rencontrerez des gens qui auront marché. Already on the road, Naivasha and many places. Déjà sur la route de Naivasha à plusieurs endroits. And people from Maralal, living all the way from Kehancha, living from Kakamega, Kisumu. Et des gens de Maralal, partant tout le chemin de Kehansha, quittant de Kakamega, de Kisumu. People living from Machakos. Des gens qui partent de Machakos. Living from Busia, from Nambale, many other places in this country, Lord War. Partant de Busia, de Nambale, ces endroits dans ce pays, Lord War. People living from Kapenguria, all these places as they move. Des gens qui partent de Kapenguria, tous ces endroits, comme ils se déplacent. The deaf ears will open on the way. Blind will see. Les oreilles s'ouvriront pendant le chemin, des aveugles verront. And that's why it was very important to record them. Et c'est pourquoi c'est très important de les enregistrer. In the original conditions, in the churches before they begin the journey. Dans leurs conditions originales, dans les églises, avant qu'ils commencent le voyage. So you have the records of the people and their infirmities and their diseases before they are healed. Ainsi, vous avez l'enregistrement des gens dans leur infirmité, dans leur maladie, avant qu'ils soient guéris. This is going to be a historic visitation on this land. Ça va être une visitation historique dans ce pays. Why? Because this land has hosted the mighty prophet of the Lord. Pourquoi? Parce que ce pays a accueilli le puissant prophète du Seigneur. In a very mighty, mighty way for a long time. D'une manière très très puissante pour longtemps. Because the seat of the Lord is in this land. Parce que le siège du Seigneur est dans ce pays. Again, because this land has hosted the mighty prophet of the Lord with great honor. Encore, parce que ce pays a accueilli le puissant prophète du Seigneur avec grand honneur. So the Lord is going to release his glory as this. Donc le Seigneur va libérer sa gloire. To open the floodgates of heaven. Pour ouvrir les portes des cieux. Now, anything and everything will be possible now. Maintenant, toutes choses vont être possibles maintenant. In the mega glorious, the super glorious, mega and mega revival meeting of Nakuru. Dans le méga glorieux, le super glorieux, méga, grand méga rassemblement de réveil de Nakuru. Everything and anything is possible, so it will be so big. Toutes choses vont être possibles, donc ça va être si grand. This is historic. This will shake the earth. It will stun people. C'est historique. Ça secouera la terre. Ça étonnera les gens. It will stun them in the most shocking manner. Ça les étonnera d'une manière des plus choquantes. It's amazing that this comes at a time when my words have just been fulfilled in Italy. C'est étonnant que ça arrive juste en un temps où mes paroles ont juste été accomplies en Italie. Actually, including the blue windows I talked about, the buildings that would tumble down and so forth when I was in Reggio Emilia. And when I was in Italy, it's amazing that at the same time, when he is speaking this tremendous blessing of healing. Et lorsque j'étais en Italie, c'est étonnant qu'en même temps où il parle de cette énorme bénédiction de guérison, restoration, many, many cripples will walk. De restauration, beaucoup, beaucoup d'infirmes marcheront. Many, many blind will see, many, many deaf will hear, many, many mute will speak. Beaucoup, beaucoup d'aveugles verront, beaucoup, beaucoup de sourds entendront, beaucoup, beaucoup de muets parleront. Many, many lame legs will be stretched and columns increase. Beaucoup de jambes boiteuses seront étirées et des colonnes seront relevées. And created and touched down many eyes, ears will be created. Et des jambes créées et toucheront par terre beaucoup d'yeux d'oreilles seront créés. Many paralytics with spinal cord injuries, broken back, broken skulls. Beaucoup de paralytiques, des lésions de la moelle épinière, des dos brisés, des crânes fracturés. Tumors dissolved, cancers dry. Des tumeurs dissoutes, des cancers desséchés. At the time when he's talking about HIV deleted, changing the blood of people. Au temps où il parle des sida supprimés, changeant le sang des gens. At this time when he's speaking this massive love of grace here. En ce moment où il parle de cet amour massif ici. Then at the same time, my words are being forbidden in Italy. lips are dying. Et ensuite, en même temps, la même langue. Mes paroles ont été accomplies en Italie. Les gens meurent. From the earthquake. Dans le tremblement de terre. So that tells you really, really that our God is not democratic. He only respects those who embrace repentance and righteousness and champion Jesus. Il respecte seulement ceux qui embrassent la repentance et la justice et qui championnent Jésus. So I bless you, Kenya. I bless you, Kenya again. I bless this land. Donc, je vous bénis, Kenya. Je vous bénis, Kenya, à nouveau. Je bénis ce pays. I bless it a fourth time. I bless it a fifth time. Je le bénis une quatrième fois. Je le bénis une cinquième fois. I bless you sixth time. I bless Kenya seventh time. Je vous bénis une sixième fois. Je bénis le Kenya sept fois. I bless you. You visit this land in an unspeakable history. Je le bénis une huitième fois et il va visiter ce pays d'une manière historique. The Messiah, shalom. Le Messie, shalom.